24-20, activation orale, futur, irrégulier. Répondez selon l'exemple. Vous entendez ? 1. Je me demande si nous allons avoir le temps. Mais vous dites... Bien sûr que nous aurons le temps. 2. Je me demande si Mireille va essayer de contacter Madame Courtois. Bien sûr qu'elle essaiera. 3. Robert se demande si les Courtois vont être gentils avec lui. Bien sûr qu'ils seront gentils. 4. Robert se demande si Mireille va devoir rentrer chez elle à midi. Bien sûr qu'elle devra rentrer chez elle. 5. Robert se demande si Mireille va venir chez les Courtois. Bien sûr qu'elle viendra. 6. Il se demande si Madame Courtois va retenir Mireille à dîner. Bien sûr qu'elle la retiendra. 7. Robert se demande s'il va falloir partir avec Monsieur Courtois. Eh oui, il faudra partir avec lui. 8. Robert se demande s'il va revoir Mireille. Bien sûr qu'il la reverra. 9. Je me demande si Robert va pouvoir trouver le numéro de téléphone de Mireille. Bien sûr qu'il pourra. 10. Je me demande s'il va faire beau demain. Bien sûr qu'il fera beau.